Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Je fais un reportage sur le Brésil pour un journal du soir. Mais il faut pas de vraies informations pour vendre un journal. You are fake news. Nous avons un problème, peut-on m'expliquer en régie? Bien le bonjour et on ouvre ce bon journal avec du sport. 6h48, c'est le temps qu'il aura fallu à Elisha Nokomovic pour courir un marathon sur son balcon en banlieue toulousaine mardi dernier. Le sudiste affiche donc désormais 37 marathons à son compteur, même si celui-là n'est pas validé par la Fédé, le jeune homme ne perd pas espoir puisqu'il annonçait préparer un autre exploit confiné. Stay tuned, stay home, aurait-il même ajouté selon une source sûre. International. La Nouvelle-Zélande dépénalise l'IVG. Corriger une loi remontant aux années 1970 qualifiant l'avortement de crime faisait partie des promesses de campagne de Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise. Chose promise, chose due, le Parlement a voté mercredi 18 mars la dépénalisation de l'IVG, un acte qui était jusque-là considéré comme un délit passible de 14 ans d'emprisonnement. Éducation, cela fait maintenant une semaine que les élèves français doivent étudier à la maison. Arrivent-ils à s'organiser? Quels outils ont été mis en place? Nous avons rencontré une élève en terminale ES et une professeure de français, un reportage qui respecte les règles du confinement. Je m'appelle Zoé Delaunay et je suis en terminale ES à Joubert. Donc je me lève à peu près vers 8h30, je commence à travailler à 9h jusqu'à 11h environ. Ensuite je mange et après je retravaille vers 14h30 ou un peu après environ pendant 1h30. C'est quand même plus tranquille qu'être au lycée ? Oui. Tu travailles sur quoi en ce moment ? Précisément, qu'est-ce que tu as fait cette semaine ? En italien, on travaille sur... J'ai fait la notion espace et échange et mythes et héros. Et en histoire, gouverner la France depuis 1946. Et tu t'es installée où pour travailler ? Je travaille dans la salle à manger. C'est pas trop compliqué ? Il n'y a pas trop de bruit autour de toi ? T'arrives à rester concentrée ? Oui, ça va. Est-ce que pour toi, ça a été une mesure intéressante à prendre ? Oui, ça nous apprend à être autonome, mais... On n'a pas vraiment d'objectif. C'est pas pareil qu'une semaine de révision juste avant le bac où on doit tout réviser pour le bac. Là, on a moins d'objectifs. C'est un peu plus flou pour tout le monde, pour les profs et aussi pour les élèves. Madame Delaunay ? Madame Delaunay ? Une question pour le journal des bons cons. Madame Delaunay, apparemment, vous êtes prof. On a une question pour le journal des bons cons. Est-ce qu'on peut se mettre à l'intérieur ? On voulait savoir, est-ce que vous avez toujours des contacts avec vos élèves ? Oui, j'ai des contacts. Comment ça se passe ? Est-ce que vous arrivez à les suivre ? Qu'est-ce qu'ils font ? Vous leur avez donné des devoirs ? Je leur avais donné un travail avant de partir sur une nouvelle pour les troisièmes. Les quatrièmes, ils avaient un texte de Ronsard sur le blason des yeux à apprendre et à construire un poème en prose. Voilà. Et puis depuis, je demandais qu'ils me donnent cinq lignes sur leur quotidien. Et puis j'ai donné du travail pour mercredi. Voilà. Qu'est-ce que vous leur avez donné comme travail pour mercredi ? Alors, pour mercredi, pour les quatrièmes, je crois, ils doivent aller sur le site LUMI. Et ils ont un texte de Ronsard sur Hélène et ils doivent me répondre à des questions et faire une autre activité qui est une carte mentale sur le vocabulaire de la poésie. Vous mettez des choses sur Internet ? Sur Internet, c'est le CNED. Donc certains arrivent à parvenir. Donc ils ont par jour une activité, aussi bien en français qu'en histoire géo ou en maths. Et le lendemain, ça peut être pas de français, mais plutôt maths et... histoire géo ou sciences physiques. Est-ce que vous savez s'ils arrivent à s'organiser ? Parce qu'ils sont quand même jeunes, ils sont en quelle classe ? Et en plus, ils ont du travail qui est donné sur Pronote avec plusieurs professeurs qui envoient toujours des devoirs par Pronote. Donc ils ont pas mal de travail. Après, il faut voir le rendu des élèves. Pour certains, ils n'arrivent pas à se connecter parce que le papa est occupé, il n'a pas réussi. Donc il y a certainement des problèmes numériques. Vous arrivez un peu à les aider de loin ? Et ben de loin, on les encourage et à communiquer forcément. Donc là, je vais. On y est souvent, très très souvent pour voir. Et on, c'est beaucoup d'investissement pour regarder ce travail. Et entre prof, l'équipe pédagogique, vous avez un lien avec les autres professeurs? Oui. Donc les professeurs, on s'appelle, on envoie des mails et puis on sait que tout le monde. Enfin, le professeur principal, par exemple, dans le collège, appelle deux fois par semaine ses élèves. Voilà, donc les classes. Merci. Et pour des élèves, par exemple, qui écouteraient le journal de la radio des Boncons, quels conseils est-ce que vous pourriez leur donner ? Eh bien, le bon conseil, c'est de lire et écouter France Culture, pour ne citer qu'une radio, mais peut-être pourquoi pas les Boncons, je ne sais pas. Voilà, lire et écouter de la radio. Et on conclut ce journal avec la météo de Miss Nambo. Eh oui, Emma, bonjour à tous les Boncons et bienvenue dans cette pause météo. All the leaves are brown and the sky is grey, nous chantaient Cass Elliot et son groupe de Mamas and de Papas en 1966. Gris, c'est la couleur du ciel ce jour, mais c'est pas pour autant qu'il faut en oublier de se brosser les dents, bande de crado. Stopped into a church, I passed along.